« Combien m'en donnez-vous, monsieur le président ?» Valanglais tira sa montre et ricana. « Je vous donne 10 minutes, mon cher le Normand. » Le chef de la sûreté tira la sienne et scanda d'une voix posée. « C'est 4 de trop, monsieur le président. »